طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله، مرحبا. Donc là on continue, la dernière fois on a fini les شروط de la shahada de محمد أن محمد رسول الله. On a dit que c'est les mêmes شروط que لا إله إلا الله. طيب لأن هذه كلمة تلازم الأولى. Celle-ci implique l'autre. Le fait de dire Muhammad Rasulullah, ça implique la ilaha illallah. Ou la ilaha illallah implique également, englobe que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et son serviteur. Car la ilaha illallah ne peut être appliquée si ce n'est par son enseignement. Donc après, il va rentrer dans les arkan al-khams. Après les deux shahada, al-arkan al-khams, les cinq piliers. يقول ما دليل الصلاة والزكاة. Donc c'est quoi la preuve maintenant de la salat et de la zakat? قال الله عز وجل فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال الله عز وجل فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الآية وغيرها. سؤال 31. وجدت؟ أتخذي؟ 31. نعم. سمعني لسي 31. إيسا؟ دليل دل السلاة دل الزكاة. كالي لابروف دل إكزانج دل البرير. تمام. دل الامبوليغال. هذا. دونك البرومي فرسي في القرآن على يدي دل السنس et que s'ils se repentent, en parlant des mouchrikoun, et qu'ils accomplissent la salat, et qu'ils donnent la zakat, alors, laissez-les libres. Là, ça, c'était lors des affrontements qu'il y avait entre les musulmans à l'époque, d'accord, lorsque le djihad avait été légiféré à leur époque. Et entre les musulmans et les mouchrikoun, si jamais ils font la salat, et qu'ils accomplissent la zakat, laissez-les tranquilles, ils sont libres. Et dans l'autre verset, ça c'est surat At-Tawbah, verset 5. Et l'autre verset dans la même surat, il dit « فَإِنْ تَابُوا وَقَمُوا الصَّلَاتُ وَاتُوا الزَّكَاتُ فَيْخْوَانُكُمْ بِالدِّينِ » Que si jamais ils se repentent et accomplissent la salat et s'acquittent de la zakat, alors ils sont vos frères en religion. Ils sont vos frères en religion. Wa alaykoum salam. Alors ce verset est parmi les grandes preuves qu'utilisent les ulama pour dire que la salat, celui qui ne la fait pas n'est pas notre frère. Taïeb. Des gens vont dire, taïeb, mais la zakat, celui qui ne la paye pas, elle yakfur, est-ce qu'il m'y croit? On dit non. Quand il y a des adillah qui sont venus, bisaraha, anatalik al-zaka, la yakfur. On a des preuves concises et claires qui indiquent bien que celui qui descend la zakat, il ne m'y croit pas. Donc le fait de prendre une autre partie du verset pour dire que ça concerne les deux, que genre si on ne rend pas mécrant pour la zakat, pourquoi on rend mécrant pour la salat? On dit la zakat, là c'est preuve, que celui qui la délaisse n'est pas kafir. Alors que la salat, on a des preuves que celui qui la délaisse, il est kafir. Donc l'un, c'est pas l'autre. Mathalan, yaqul Allah azawajal, ma salakakum fi sakar, qalou, lanakum nil musallin, ou lanakum nutrum miskin, wa kunna nakhudu mal khaidin, حتى تني اللقين وكنا نكذب بيوم الدين حتى تني اللقين. Dans le sens où Allah dit à propos des gens de l'enfer, qu'est-ce qui vous a mené au feu? Ils diront, nous étions de ceux qui ne faisaient pas la salat, ni nous ne nourrissions les pauvres, et nous démentions le jour de la résurrection, et on parlait vainement avec les gens qui parlent vêtements jusqu'à ce que nous soit venu le jour, ou plutôt la certitude, c'est-à-dire la mort. فانظروا, il dit ما سلككم في سقر, qu'est-ce qui vous a mené au feu? Il dit quoi au début? Nous ne sommes pas de ceux qui font la salat. طيب. Donc quelqu'un va dire ouais, mais c'est pas une preuve que on rentre feu pour ça. On dit Allah Azza wa Jalla, après il dit dans le même verset qu'on ne nourrissait pas les pauvres. Est-ce que le fait de ne pas nourrir les pauvres c'est du kufr? Non. Là, pourquoi tu vas au feu? Pour ce qui a été dit avant. Pas la salat. Et ce qu'il dit après, et nous démentions le jour de la résurrection. Donc c'est pas une partie d'un verset que tu prends pour pouvoir répondre à l'autre. Le fait de ne pas nourrir les pauvres, de base en soi, n'est pas du kufr. Donc le verset entre au feu, à la base, c'est pour avoir délaissé la salate. En plus de ça, vous n'avez pas nourri les pauvres. Et en plus de ça, ce qui est du kufr, vous avez démenti le jour de la résurrection. Ça, c'est du kufr. Bon, adhé. Même tome. Parce que t'as des gens qui disent, ouais, mais ne pas nourrir les pauvres, c'est pas du kufr, donc pourquoi la salate, ça l'est? On dit le verset, il est clair par rapport à ça. Donc prends pas un bout du verset pour pouvoir contester l'autre dans le jugement. Et donc là, c'est pareil. Quand quelqu'un il dit, ouais, mais la zakat, si on la délaisse, on n'a pas mécru. On dit non, mais délaissement de la salate, si. Donc ne prends pas un bout du verset ou d'un autre verset pour pouvoir repousser l'autre. Et donc tous les deux ont un jugement distinct. Cependant, tu en as un qui sert pour un jugement précis qui est le kouf, c'est délaissement de la salate. Non. Taïf, Thumakal, dans le sens où il dit, et cependant, il ne leur a été seulement ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, et d'accomplir la salate, et d'acquitter de la zakat. Et il y a plein de versets qui parlent sur le fait d'accomplir la salate. Donc la salate, on a des hadiths qui montrent que son délaissement, malgré la divergence qui existe, c'est du kufr akbar. Du kufr qui fait sortir de la mille là. Et quant au fait de dire ça va venir, Inch'Allah, ça va venir. On va en parler dans la question 34. Yakul, ma dalil et saum. Maintenant, c'est quoi la preuve du siyam, du jeûne? Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il était prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous craigniez. Surat al-Baqarah, verset 183. Donc Allah Ta'ala, Faman shahida minkum al-shahr falyasum. Celui d'entre vous, la shahida, c'est-à-dire qui est résident, qui n'est pas voyageur. Parce que le mois de Ramadan y rentre, et qu'il est présent, il n'est pas en voyage, il doit jeûner. Car au début, le Ramadan, ce n'était pas obligatoire. Au début, les gens avaient le choix. Soit ils jeûnaient, ou soit ils nourrissaient un pauvre pour chaque jour non jeûné. Et ensuite, c'est venu l'obligation, dernier, pour tout le monde, à part pour celui qui est malade ou celui qui est en voyage. Donc là, le verset concerne celui qui est résident, qui n'est pas en voyage. Si Ramadan vient, tu dois le jeûner. Surat al-Baqarah, verset 185. Wa fi hadith al-A'rabi, أخبرني عفوا ما فرض الله علي من الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان إلا أن تتوع شيئا الحديث et également il y a le hadith donc lorsque ce bédouin est venu voir le Nabi صلى الله عليه وسلم en disant qu'est-ce que Allah m'a rendu obligatoire comme jeûne parce qu'il voulait connaître les piliers de l'islam il l'interroge à propos de la salat de la zakat du siyam d'accord là il a vu l'auteur a juste pris le passage qui parle du siyam car c'est le shahid de la mas'ala. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le seul jeûne qui t'a rendu obligatoire, c'est-à-dire parmi les piliers des choses que tu dois faire de façon continue, quand son temps est bien, c'est Ramadan. C'est le seul jeûne qui est obligatoire. Maintenant, il y a un jeûne qui peut devenir obligatoire dans une circonstance, comme par exemple, avoir tué un musulman par erreur. Là, tu auras deux mois de siyam à faire, si tu peux payer le prix du sang. Si tu as juré, par exemple, par Allah Azza wa Jalla, tu as fait un serment, et tu l'as rompu. D'accord ? Il y a des étapes, et parmi elles, le fait de jeûner trois jours. Et ainsi de suite. Ça, ce sont des choses qui sont à part. Là, il parle du siyam, celui qui se fait obligatoirement, sans circonstance. C'est celui de Ramadan. C'est le seul siyam qui est obligatoire sur chaque musulman qui est en mesure de le faire et qui n'est pas voyageur. Donc, il a dit, le seul siyam qui est obligatoire, c'est de Ramadan. Hormis si tu fais un jeûne surrogatoire, en plus de toi-même. طيب ثم قال ما دليل الحج سي كوا لا بروف دو حج قال الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله c'est-à-dire compléter le حج ainsi que l'umra pour Allah عز وجل سورة البقرة verset 196 donc ce verset indique que le حج est obligatoire et l'umra également malgré qu'il y a une divergence entre les ulama mais le qul sahih c'est que l'umra elle est obligatoire mais en général quand tu fais le حج tu fais l'umra avec en général. Donc ça ne pose pas de problème en soi. Mais celui qui n'a pas eu moyen de faire le hajj, par exemple, qui peut faire une umrah, il doit la faire. L'Umrah, aujourd'hui, elle est moins chère que le Hajj. Elle est plus facile à... Tu peux le faire n'importe quand. D'accord? Donc, celui qui a les moyens de faire l'Umrah, les portes ouvertes, il doit la faire. Et c'est une fois dans la vie comme le Hajj, comme cela va être cité. Inch'Allah. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et que les gens doivent accomplir le Hajj pour Allah, vers la maison antique, pour celui qui peut l'accomplir. Surat Ali Imran, verset 97. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب عليكم الحج que Allah عز وجل vous a prescrit le Hajj. Également, il y a le hadith de Jibril, lorsque Jibril interroge le Nabi صلى الله عليه وسلم à propos de l'islam, il lui a cité les cinq piliers, et parmi eux le Hajj. Et aussi le hadith de Ibn Omar, Bunya l'islam al khams, que l'islam était bâti sur cinq piliers, et parmi eux le Hajj. يقول ما حكم من جحد واحدا منها او اقر به واستكبر عنه. Maintenant, qu'en est-il de celui qui renie le côté obligatoire de l'un de ses piliers, ou alors qui le reconnaît mais pris d'orgueil ne veut pas le faire, par orgueil. Il dit يقتل كفرا كغيره من المكذبين المستكبرين مثل ابليس وفرعون. Donc celui-là, en islam, d'accord, c'est la peine de mort pour lui par le gouverneur musulman. Quand même, c'est un truc important pour ne pas s'amuser à aller faire n'importe quoi dans les rues. Ça, c'est le jugement de l'islam. Ça ne veut pas dire que maintenant, toi ou moi ou quoi, on va le faire. Le jugement de l'islam, c'est que la personne qui fait ça, elle mérite, quand même, ce jugement-là, par le gouverneur musulman qui applique les chronos, les sentences. Pourquoi ? Car tu as celui qui dit que ce n'est pas obligatoire de faire la salat ou le hajj ou quoi. Donc ça revient à quoi ? À démentir le Coran. Le Coran dit que c'est un ordre, il faut que tu le fasses. Non, ce n'est pas obligatoire. Donc celui qui demande le Coran, que ce soit ceci ou d'autres masaïl, lui, il me croit. D'accord ? Et celui qui dit oui, je sais que c'est obligatoire, mais je n'ai pas envie de le faire. Lui, il est comme qui, lui ? Comme Iblis qui a refusé de se prosterner pour Adam. Il savait que c'est obligatoire pour lui, il ne l'a pas voulu le faire. Donc là, il a mécru Iblis. Donc les gens qui vont dire oui, je sais que c'est obligatoire, mais je n'ai pas envie de le faire. Eh bien lui, c'est l'orgueil, c'est le kibr. D'accord ? Et ce kibr le fait sortir de l'islam. Car il refuse de se soumettre à Allah Azzawajal. Et ça, c'est le cas de Iblis, comme il a dit, et Pharaon également. Pharaon qui faisait croire qu'il ne croyait pas en Allah Azzawajal, alors qu'au fond de lui, il y croyait. Mais par orgueil, il n'a pas voulu accepter. Thumma qala fi su'al al-khamis wa thalathin, 35e question. Ma hukm man akarra biha, thumma tarakaha linor et takasul au ta'wil. Donc maintenant, qu'en est-il de celui qui reconnaît ces adorations, les considère obligatoires, cependant les délaisse par paresse ou par une mauvaise interprétation des textes. قال أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا لقول الله تعالى فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله Mohamed Rasulullah, ou Yokim Solev, du tout Zakat, ou Akada, le Hadith. Donc maintenant, il a dit celui qui délaisse cette salat, par paresse, ou autre, lui, il dit, il donne l'exemple d'une personne qui sort la salat de son temps, par paresse ou par des choses qui ne sont pas valables, comme par exemple, le voyage. En voyage, tu peux sortir la salat de son temps en joignant le Zohr et le Asr, par exemple, entre le temps du Zohr et celui du Asr. Le Maghreb et l'Isha, tu peux les faire dans leur temps. Ouais. Tu peux avancer le Isha ou tu peux retarder le Maghreb quand tu les fais ensemble. Ça, c'est des choses qui sont valables, même dans la maladie. Dans la maladie, tu peux joindre entre deux salates. Tu ne raccourcis pas, par contre. C'est pas raccourci. Mais tu peux faire le Zohr et le Asr ensemble. Et le Maghreb et l'Isha ensemble, mais complète. Et certains disent pendant le temps de pluie. Il y a un khilaf, on tente plus, il y en a dit tu peux joindre les salawat aussi. Donc là, c'est le moment où la salat, il est permis de la sortir de son temps. Et il y a d'autres circonstances, mais elles sont rares également. Lui, il parle de quelqu'un qui la sort de son temps par paresse ou autre. Comme c'est le cas, par exemple, des gens qui sont au travail, qui font le salawat le soir, tout ensemble. Alors lui, il dit, à la base, le gouverneur musulman, dans la paix à faire tawbah, et s'il continue, alors il est exécutable, mais pas en tant qu'apostat, mais en tant que, comme une sentence en fait. Comme par exemple le fornicateur. Lui, la peine de mort, mais il ne meurt pas apostat, il meurt par sentence. Ayek, c'est une sentence de l'islam pour le punir de son, châti, de son péché. Donc lui, il dit que celui qui sort la salle de son temps, le gouverneur, à la base, le problème est en prison, il lui demande de faire taouba, d'arrêter de faire ça, et si jamais il persiste, là, à ce moment-là, il est exécuté. Et c'est valable également pour celui qui ne veut pas la faire par fainéantise. Et en réalité, celui qui la délaisse par fainéantise, lui aussi, son jugement, en fait, c'est le même que celui qui renie son côté obligatoire ou quoi. Celui qui ne la fait pas du tout, on parle pas du tout, lui, il devient qu'à la faire. Donc maintenant, Cheikh Al-Uthaymeen, il a une réponse à ceux qui disent, qui différencie entre le fait de délaisser la salat taqiyya soulan ou juhudan. C'est-à-dire, ulama, il dit, celui qui la délaisse par fainéantise, c'est du kouf asrar. Ils disent, par contre, s'il la délaisse juhudan, c'est-à-dire qu'il voit qu'elle n'est pas obligatoire, c'est du kouf akbar. Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, ce tafsil, ce détail, il n'en a pas besoin. Il ne sert à rien. Pourquoi? Il dit parce que celui qui fait la salat, il la fait quand même. Mais au fond de lui, il voit qu'elle n'est pas obligatoire. C'est quoi ce hukm? Il l'a fait, mais il voit qu'elle n'est pas obligatoire. Ah, donc il n'y a pas de différence, il dit. Et il a dit en plus, pourquoi préciser cela pour la salat? Il a dit, toute obligation, religion, tu as un texte clair et tu dis non, ce n'est pas obligatoire, sur la salat, ou les autres piliers, ou d'autres choses à faire qui sont obligatoires, tu dis non, ce n'est pas obligatoire, ça prend le même jugement. Donc pourquoi le spécifier pour la salat? Ça ne sert à rien. Donc les hadillas qui disent que le délaissement de la salat, c'est du kouf akbar, ils disent, ils sont absolus. Il n'y a pas de détail dans la question. D'accord? Pour répondre à ceux qui disent non. Juste, c'est pour celui qui la délaisse en disant qu'elle n'est pas obligatoire. Ils disent, lui, il m'écroit. Et Cheikh Al-Uthaymeen dit non. Tu vois, ce détail-là, il ne sert à rien. Donc, on peut y réfuter comme on vient de le dire maintenant. Vous avez compris la différence? T'as compris? Ouais. Répète. Ouais. Il y en a, ils disent que les hadiles qui parlent du fait de délaisser la salat, ils disent c'est du kouf asrar. Ils disent celui qui la délaisse par paresse, lui, c'est du kouf asrar. Ça devient akbar quand il dit que c'est pas obligatoire. La salat n'est pas obligatoire. Là, ils sont tous unanimes que lui, c'est un kafir. D'accord? Des ulama comme Cheikh Al-Uthaymeen, ils disent cette différenciation qu'on fait entre paresse et juhud, c'est-à-dire le fait de renier le côté obligatoire, elle a dit ça n'existe pas, ça. Pourquoi? Car s'il fait la salat, mais qu'au fond de lui, il a pour qu'elle n'est pas obligatoire, c'est quoi son jugement? Il l'a fait, mais il dit que c'est pas obligatoire. C'est quoi son jugement à lui? Donc, il est donc, il est kafir. Donc, il dit, ça sert à rien de faire ce détail-là. Et il dit même, le fait de renier une chose obligatoire, dans n'importe quelle adoration, que ce soit la salat ou autre. Donc, il dit, pourquoi maintenant on prend ça pour la salat seulement, et on dit, ouais, celui qui la délaisse, juste par paresse, mais s'il a mis, il délaisse son côté obligatoire, il écoute Akbar, alors que les hadiths qui sont venus pour dire que, comme les versets qu'on a cités là maintenant, là, il y a un hadith qui parle du tarq al-salah, que c'est du kouf, il dit pourquoi vous venez faire un détail sur la question? Il n'y a rien. Parce que le détail que vous donnez, il est valable pour toutes les salats, pour tous les actes d'adoration, en fait, de base. Donc pourquoi le spécifier pour la salat? Tu comprends? T'as compris? Sûr? Ouais, j'ai compris. Compris? Sûr? Mmh. Donc ça, c'est une hadith qui est kouwiya. Pour répondre à ceux qui disent non. Celui qui laisse sa salade par paresse, d'accord, lui, c'est, il ne rentre pas dans le kouf akbar. Ils disent que les hadiths qui parlent de kouf akbar, c'est valable que pour celui qui la délaisse en reniant ce côté obligatoire. Donc lui, il dit non. Les hadiths sont valables pour les deux. Le fait de renier le côté obligatoire, c'est valable pour toute adoration, pas que la salade. Et même s'il l'a fait, au fond de lui, il croit qu'elle n'est pas obligatoire, même s'il l'a fait, il tombe dans le kouf également. Donc ce tafsil, il ne sert à rien, il dit. Donc lui dit que les adillah qui disent que le tarq al-salah c'est le kouf akbar, c'est ça la vie qui est authentique. Comme les versets qu'on a dit au début, et d'autres hadiths que l'auteur n'a pas cité parce qu'il n'a pas voulu faire un long débat sur la question. D'accord? Donc voilà, mais on sait que la divergence elle existe. C'est vrai. C'est vrai. Et même Cheikh Ibn Baz, lui, il voit que délaisser sortir la salat de son temps de sas une seule fois volontairement, il y aura un katakfur. Il voit que tu sors de l'islam. Tu as une salette, tu la sors de son temps volontairement, sans excuse, lui, il voit que tu as mécru direct. Il parle des gens qui sont dans le pays d'islam. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il faut le pays d'islam ou le pays de quoi. La salade, c'est la même. Les horaires sont les mêmes. Ah, en plus, non, il donne même l'exemple. Il donne même l'exemple dans la fatwa. Celui qui a son, par exemple, il met son réveil, le fajr, par exemple, il est à 6h du matin. Il met son réveil à 8h30 du matin. Genre, je dors jusqu'à 8h30 du matin. Tu vois? C'est-à-dire, il fixe la salat, il dit, moi, je la ferai quand je me réveillerai. Il dit, hada yakfur. Dans sa fatwa, il cite ça, en plus. Celui qui met son réveil volontairement après l'heure de la salat, le temps est sorti. Et en se disant, en lire, il se réveillera pas avant que le réveil sonne, lui dit son islam. Donc ça, c'est valable partout. Ma question, c'est de dire que pour lui, mm-hmm. si une personne, imaginons, elle a fait le fajr toute sa vie, mais que là, elle s'est dit, demain, je me réveille à 8h30, si elle meurt pendant son sommeil comme ça, elle va aller en enfer éternellement. Non. Il voit que c'est il voit, lui, il voit que c'est, t'as délaissé la salat. Et il y a d'autres qui disent comme lui. Dans la main, ils sont pas forcément d'accord, mm-hmm. tu vois. Mais lui, il dit ça, pour dire que c'est un avis, et c'est pas n'importe qui, c'est Cheikh Ben Baz, tu vois. Pour dire qu'il y a des ulama, ils sont partis jusqu'à avoir ça, que délaisser la salat une seule fois, de son temps, volontairement, sans excuse, il voit que t'as mécru. Tu vois. Taïb. Il dit, amma zaka, fa in kana mani'uha, min man lau shaka, lau shaka, fa in lahu, akhadha l'imam minhu, kahran, ونكت له بأخذ شيء من ماله لقوله صلى الله عليه وسلم ومن منعها فإن أخذوها وشطر ماله معها. Donc il dit maintenant par rapport à la salat, la zakat afwan, celui qui ne veut pas la donner par avarice, il est avare, c'est-à-dire qu'il sait qu'il est obligatoire mais il ne veut pas la donner, et c'est une personne qui n'a pas de, on va dire qui n'a pas de, d'influence, qui n'a pas de de pouvoir dans le pays, il dit que le gouverneur va lui prendre de force cette zakat, et en plus, il lui fait payer une amende. Par rapport à ça, pour un hadith ou un nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui ne paye pas la zakat, alors lui prend la zakat plus la moitié de ses biens. Et ce hadith-là, il y a des ulama, il affaiblit, il voit qu'il n'est pas authentique. Et ils disent que ça, ça contredit d'autres hadiths ou un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que إِنَّ أَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ يعني دِمَاءَكُمْ وَأَرَضَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ il dit que vos vies, ainsi que votre honneur et vos biens sont interdits, c'est-à-dire on ne touche pas l'argent des musulmans. Ce sont des choses obligatoires comme la zakat, par exemple. Mais ce surplus en amende, il y en a qui disent non, tu ne prends pas d'amende sur le musulman. Son argent, il est haram, tu ne prends pas, tu prends son argent. Tu peux lui faire comment dirais-je, moi, une punition, je crois qu'il y a un autre plus approprié, mais une punition pour ce qu'il a commis, mais il dit qu'il prend pas son argent. Ça peut être une peine de prison, ça peut être autre chose, comme le gouverneur il le voit, mais son argent, tu ne le touches pas. Et d'autres qui voient que ce hadith est authentique, ils voient si tu peux, en prenant ce hadith comme preuve. Al-Hadith. وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً وَلَهُمْ شَوْكَ وَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ قِتَالُهُمْ حَتَّى يُؤَدُّوهَا للآيات والأحاديث السابقة وغيرها وفعله أبو بكر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. Maintenant, quant à celui qui ne veut pas donner la zakat, mais c'est une personne qui a une certaine force, ils ont un groupe. Il a dit à ce moment-là, il est obligé, obligatoire au gouverneur de les combattre. Comme l'a fait Abu Bakr, رضي الله عنه, avec ceux qui avaient délaissé la zakat après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, le gouverneur doit les combattre. Le premier, il n'y a pas les combattants, ils n'ont pas de force. Il vient, le gouverneur, il prend son argent de force. D'accord ? Quant à ceux-là qui ne veulent pas, s'ils sont un groupe, je ne sais pas moi, un village ou un endroit, ils sont tous ensemble, tous unis, non, on ne donne pas la zakat, le gouverneur, il vient, il ramène la police ou l'armée et les combats. Maintenant, celui qui refuse de la donner, du houd, en disant, je n'ai pas la donner, non, ce n'est pas obligatoire, lui, c'est quoi ? Comme la salat ou comme tout le reste. Là, il parle de celui qui ne veut pas la donner par avarice, il est avare. Il sait que c'est obligatoire, mais il dit, dans l'argent, je ne veux pas le donner. Quand même. Ah, celui qui est avare, il rentre dans quoi? C'est pas du coup. Mais le gouverneur lui prend de force, c'est bien. Et si jamais c'est des gens, ils sont plusieurs, ils ont une certaine force, il les combat. Enfin, il les combat, quitte à les tuer. Voilà. Mais ils ne mourront pas en tant qu'apostat, ils mourront comme désobéissants, en fait. Ah ben celui qui dit moi je la donne pas, j'ai pas la donner, c'est obligatoire, lui, il y a que faux. Lui, il m'y croit. Amma somme, falam yarid fihi shay'un, walakin yuaddibuhu al-imam, ou naibuhu, بما يكون زجرا له ولأمثاله. Quant au siyam, celui qui ne le fait pas, il n'y a pas de textes qui sont venus comment on se comporte avec lui. Une sentence ou quoi. Cependant, il dit qu'il revient au gouverneur de le corriger. Si le gouverneur sait qu'il ne jeûne pas, alors il doit le corriger comme il le voit. Soit prison, soit flagellation, soit c'est le gouverneur qui voit comment le punir par rapport à ça. Mais ne pas jeûner, c'est une chose que tu ne verras pas en général. Ça ne se voit pas, le ciel. Tu vois. Ça ne se voit pas quelqu'un qui ne jeûne pas. Aujourd'hui, c'est répandu. Oui, mais quelqu'un qui ne jeûne pas, tu ne peux pas savoir qu'il ne jeûne pas. À part s'il mange devant toi. Mais si tu es par exemple dans un pays d'islam, tout le monde jeûne. L'autre, il mange chez lui, tu ne peux pas le savoir. Tu vois. Dans la rue, normal, comme tout le monde, tu dis jeûne. Tu vois. Tu dis jeûne. Et chez lui, il mange. Par exemple, cachette, ou il a des rapports avec sa femme, ou il fume, ou il fait quelque chose, tu vois, qu'il ne peut pas faire. Il ne veut pas jeûner. Ça, si tu ne le vois pas, tu n'as pas à aller chercher. Mais si des gens un jour le voient ou le savent, par exemple, tu vois quelqu'un qui mange dans la rue, un jour de Ramadan, déjà, avant de tomber dessus, demande-lui, ça se trouve, il est malade. Avant de dire, ouais, lui, il fait pas siyam et tout, et les gens l'insultent, ils parlent sur lui. Il dit, les frères, je suis malade. T'as pas jeûné. Ou je suis voyageur. Je jeûne pas, moi. Donc, demande-lui d'abord, il arrive, tu jeûnes pas? Il va t'expliquer, ça se trouve, tu vois, avant de tomber sur lui, se précipiter. Et si jamais il te dit, je jeûne pas, et qu'il béienne, qu'il a pas de raison de le faire, là, tu le réprimandes. Tu vois, tu fais une nasiha. Et dans un pays d'islam, où ils appliquent les sentences, tu dis au gouverneur, lui, un tel, on le connaît, et il ne gêne pas. On lui a parlé, on a fait un siha, il ne veut pas gêner. Là, après, c'est le gouverneur qui s'occupe de lui. Ou plutôt qui doit s'occuper de lui. Après, ce qu'ils vont le faire, vous savez comment c'est maintenant aujourd'hui. وَمَّا الْحَجْ فَكُلْ عَمْرَ الْعَبْدِ وَقْتُ لَهُ لَا يَفُتُ إِلَى بِالْمَوْتِ وَالْوَاجِبُ فِيهِ الْمُبَادَرَ وَقَدْ جَاءَ الْوَعِيدِ الْأُخْرَوِي في التهاون فيه ولم يرد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. Quant au Hajj, toute la vie du serviteur, c'est le délai pour faire le Hajj, toute sa vie. À partir du moment où il est baligh, pubère, et qu'il est aqil, d'accord, le Hajj, il a toute sa vie pour le faire. Il doit le faire une fois. C'est l'obligation, c'est une fois dans sa vie. Et dit l'auteur qu'il doit se hâter de le faire. C'est-à-dire l'année, par exemple, il a les moyens. Il est en forme, il remplit les conditions pour faire le Hajj. Il ne dit pas, ouais, quand je serai vieux. Non, tu le fais tout de suite. Maintenant, si on dit qu'il y a un nombre de dossiers qui est refusé, ce n'est pas de ta faute. Mais des gens qui ont les moyens de faire le Hajj, ils sont là, ils sont en bonne santé. Je le ferai plus tard, ils n'ont pas le droit de le faire. Là, ce qu'ils font, c'est un péché. Au moment de dire qu'il y a Kastaïch, qui t'a dit que tu vas vivre? Tu ne vas pas mourir plus tard. Tu seras mort en ayant délaissant le Hajj alors que c'était une obligation pour toi et tu pouvais la faire. Là, c'est grave. Et en plus, les gens disent, ouais, comme ça, ils disent, je vais faire plein de péché, à la fin de ma vie, je ferai le Hajj, je serai pardonné. Tu sais pas. Tu sais rien du tout. Tu ne seras pas moins fort que faire toi au bas. Parce que tu vas ton cas, il va s'aggraver. Pour avoir délaissé cette obligation, là, il va retourner ton cœur, tu vas même le Hajj, tu feras même pas. Donc, on dit aux gens, il n'y a pas d'histoire, parce que t'as des gens qui pourront dire, la religion, c'est quand t'es vieux. On dit sûrement pas, la religion, elle n'a pas d'âge. Dès que t'es pubère, t'es mukallaf. C'est pas quand t'es vieux que t'es mukallaf. Dès que t'es pubère, tout ce que tu fais, c'est écrit. Tu vois, des fois, t'as des gens qui disent, oh, mais t'es trop jeune. Ils disent, oh, c'est trop jeune pour mettre le hijab. Pourquoi tu mets le hijab? Toi, t'es trop jeune pour avoir la barbe. T'es trop jeune pour aller à la mosquée. Ils disent, non, bah, y a pas ça. Tu vois, c'est directement, je sais pas quand je vais mourir. Est-ce que je vais mourir ce soir? Est-ce que je vais mourir demain matin? Et en plus, des hasanats, j'en ai besoin dès maintenant. Plus, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum, man tali umruhu, ayyabu wa kasurat hasanatuhu, wa sharukum, man tali umruhu, le meilleur d'entre vous, celui dont la vie aurait été longue et qui leur a fait des bonnes actions. Et le pire d'entre vous, celui dont la vie a été longue en faisant des mauvaises actions. Donc les gens disent, attends. Tu te dis, mais attends, j'attends quoi? Tu vois? J'attends quoi? J'attends la mort pour mourir sans avoir fait quoi que ce soit ou avoir peu de hasanat. Fais autant que tu peux. Non. Il y a une preuve sur celui qui est jeune et qui vit dans l'adoration d'Allah. C'est-à-dire? Quelqu'un qui est jeune. Non. Il est parmi les sept qui sont sous l'ombre d'Allah, Azawajel. Les sab'a. Sab'atun fi zillillahi yom la zilla illa zilluhu. Il y aura sept personnes, du moins catégorie de personnes, qui sont sous l'ombre d'Allah, Azawajel, le jour d'autres hommes que la sienne. Parmi les sept, il a dit un jeune, shab nash'a fi ibadatillah, Azawajel. Un jeune qui aura grandi dans l'adoration d'Allah, Azawajel. Donc il a grand mérite, parce que généralement les jeunes, ils aiment jouer, ils aiment perdre leur temps. Donc celui qui a le tawfiq d'être jeune, et d'être dans l'arsenal d'Allah Azzawajal, c'est un tawfiq azim, et lui méritera cette grande récompense. D'accord? Pour dire que c'est plus dur quand t'es jeune. C'est sûr. Moralement, mais physiquement, c'est là où tu as la force de pouvoir tout faire. Donc profites-en. Après, tu vas vieillir, tu auras moins le temps, tu auras une famille, tu auras des enfants, peut-être tu vas tomber malade, peut-être tu n'auras plus l'achat que tu as quand tu es jeune. Quand tu es jeune, profites-en. La force que tu as pour la mettre dans l'adoration dans l'Allah Azawajal. Il y avait Abdullah ibn Amr. Au début, il s'était marié avec une femme. Et le père d'Abdullah ibn Amr est parti voir sa fille, sa belle-fille plutôt, pour dire que tu penses de mon fils. Elle a dit Diam Arajoul, quel homme magnifique, mais il n'a pas besoin de moi. Puis je suis marié, il ne m'a pas touché. Elle a dit pourquoi? Toutes les nuits, il fait Qiyam al-Layl, la journée est jeûne, et la nuit, au fait, ouais, il lit le Coran, il fait Qiyam al-Layl, la journée est jeûne. Moi, je ne sais rien, tu vois, dans le sens. Le père d'Abdullah ibn Amr est parti voir le Nabi sallallahu alayhi pour dire mon fils, il est comme ça, comme ça, comme ça. Et le Nabi sallallahu alayhi a appelé Abdullah ibn Amr et lui a dit combien tu pries par nuit? Il dit toute la nuit. Quand est-ce que tu jeûnes? Il dit tous les jours. Il dit combien tu lis le Coran? Il dit tous les jours. Le Nabi sallallahu alayhi a dit non. Tu vois, il lui a dit non. Et de là, par exemple, le jeûne, il lui a dit jeûne le lundi et le jeudi. Il a dit, je peux faire plus. J'ai la force de faire plus. Il a dit, d'accord. Non, il a dit au début, je jeûne trois jours par mois. Il a dit, je peux faire plus. J'ai plus de force. Il a dit, alors fais-le lundi et le jeudi. Il a dit, je peux faire plus encore. Il a dit, alors fais le jeûne Daoud. Tu vois, il a dit, il n'y a pas mieux. Tu vois, il n'y a pas mieux que le jeûne Daoud. Après, il lui a dit, le Coran, lis-le en temps en temps. Il a dit, je peux faire plus. Il a dit, lis-le en temps en temps en temps. Il a dit, je peux faire plus encore. Il a dit, en trois jours. Pas moins que ça. Parce qu'en moins de 3 jours, tu ne vas pas le comprendre. Et Qiyam al-Layl, pareil. Il lui a dit, je peux faire plus. Le Nabi Salam lui a indiqué le Qiyam de Daoud. J'ai oublié, je crois que c'est... Non, c'est pas moitié-moitié. C'est divisé en deux parties. Une partie en début et une partie à la fin. J'ai oublié. Bref, c'est un Qiyam qui permet que la personne puisse dormir également. Tu vois. Et quand le Nabi Salam a d'autres sahaba, « Inna li jazadika alika haqqan, ou li nafsika alika haqqan, il a dit, ton corps, il a un droit sur toi. Ta famille, ils ont un droit sur toi. D'accord? Donne à chacun son droit. C'est pas tout ton temps dans l'adoration non plus. T'as des choses à faire. Des fois, t'as besoin de travailler, peut-être. Des choses à faire qui font que tu peux pas te permettre de faire un ibadah du matin au soir. Les gens, ils ont besoin de toi. Donc, il a dit, chaque chose en son temps. Donc là, pour dire que le jeune, on parle du jeune, pas du ciel, le jeune homme, il a une force qui doit dépenser dans le bien. Et s'il commence tôt dans la ribada, il va grandir avec ça, il va s'habituer, ce sera normal. Mais celui qui passe son temps, sa jeunesse, à jouer, le jour où il faudra faire la ribada, ce sera dur pour lui. Il ne sera pas habitué. Ça qu'il pour lui. Alors, regarde bien, aujourd'hui, tu vois plein de vieux au masjid, comment ils sont. Ils viennent au masjid et tout. Mais tu regardes, ça n'apparence pas Moustakimoun. Parce qu'ils sont mitards. Mais celui qui a commencé depuis jeune, adi pour lui, c'est normal. C'est normal pour lui. Et donc, on lui espère pour lui d'être parmi ces 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah, Azawajal. Et quand on dit jeune, ça concerne la femme comme l'homme. Quand on voit nos jeunes sœurs qui portent l'hijab tôt, mashallah, bien, dès qu'elles sont pubères, sans qu'on les force, elles le font d'elles-mêmes, c'est ni'ama, tu vois. Elles se mettent à l'écart, elles font preuve de pudeur, de piété, de bon comportement. C'est ni'ama azib, de les voir comme ça, tu vois. Et pareil, le jeune, on l'encourage dès qu'il peut de se marier. On peut pas dire, oh, je suis jeune encore. Je suis juste totalement jeune, profites-en maintenant. T'as de la force, tu seras marié tôt, ça va te calmer, et tu auras des enfants tôt. Et tu verras, tu auras des petits-enfants, tu seras encore dans la force de l'âge, ainsi de suite. Profite. Les bonnes actions, faut pas attendre pour les repousser. Comme quand le Ta'ala, ostabikul khayrat, devancez-vous dans les bonnes actions. Et à la base, quand tu as un ordre, viens en religion, la base, yakun al-fawr, tu dois le faire immédiatement. Quand tu as un ordre, de base, c'est immédiat. Sauf quand tu as un ordre, une chose qui est liée à un temps. Par exemple, la salat, tu la fais à un temps prescrit. Le siyam de Ramadan, c'est un moment précis. Le hajj, c'est une période précise de l'année. Mais de base, quand un ordre vient, c'est que tu vas le faire tout de suite. Pas dire plus tard. Vous voyez, tu ne sais pas plus tard qu'est-ce qui va t'arriver. Non. Donc voilà ce qu'on a pris aujourd'hui par rapport à ces 5 piliers. Wa'akada. Mafoum hada. Tamam. Khalas. Fa'ila huna. Wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Fikum barakallah.